Chapitre 18e. Il était 9 heures du soir quand le télégramme arriva chez André. Il se préparait à sortir pour aller chez Langlois comme de coutume. Il eut vite fait de déposer son chapeau et de sauter sur sa valise. 20 minutes après, il descendait au pas de course la rue qui conduit au chemin de fer. Il n'en partirait pas 1 minute plus tôt pour cela, mais il éprouvait le besoin de faire des mouvements violents. À la gare, il s'assit sur un banc, essayant de se rendre compte de ce qu'il éprouvait. Mais il n'en put venir à bout. Tout son être lui semblait emporté dans un grand tourbillon qui l'entraînait vers l'inconnu. Le train entra en gare. André monta dans un compartiment où il se trouvait seul. Mais son trouble restait le même. Il ne pouvait se remettre. Enfin, il descendit à Paris et sauta dans une voiture qui l'emporta à travers les rues tristes et déjà presque endormies de la rive gauche. Il pleuvait. Le pavé semblait noir. Les chevaux, fatigués par le temps orageux et le travail de la journée, marchaient lentement en couchant les oreilles. Les boutiquiers fermaient leurs volets avec un bruit de ferraille. Tout était lugubre, y compris la pluvieuse soirée qui semblait déjà parler d'automne. André se rappelait le petit jardin de Chartres et les tirs rosés des lilas qui se balançaient sous la fenêtre de rose et la pluie parfumée des pétales de cerisier que le vent portait jusque dans le salon tiède et hospitalier. Tout cela était loin. Loin comme le rêve de son amour même. Il se demandait à cette heure, pendant qu'il maudissait la lenteur du pauvre cheval exténué qui le traînait si péniblement, pourquoi il avait aimé Rose, pourquoi son sang tressaillait, pourquoi son cœur se serrait à l'étouffer à la pensée de cette femme étrange. Il se demandait ce qu'elle allait lui dire, quel nouveau caprice la poussait à troubler ainsi sa vie. Et tout à coup il se rappela que Marguerite, assise auprès de Madame Langlois dans le petit salon doucement éclairé, avait dû se demander ce soir pourquoi il n'était pas venu comme d'ordinaire. Le fiacre s'arrêta enfin devant l'hôtel du Louvre. André se fit donner une chambre et monta les escaliers d'un pas régulier. Quelle que fût son émotion, il voulait se présenter avec un visage tranquille. L'heure était très avancée. Il craignait presque de n'être pas reçu. Cependant, quand il eut pris possession de ce logis, il chercha celui de Rose et le trouva sans peine. Florence lui ouvrit. Il entra dans le petit salon. Rose, debout près de la cheminée, en toilette de ville, regardait vaguement devant elle. En l'apercevant, elle recula imperceptiblement. C'était le destin de sa vie qui se présentait. Le front haut, le regard assuré, mais elle était décidée. « Vous m'avez dit de venir, » fit Juste sans s'approcher. « Je suis venu. »« Vous m'aimez toujours ?» dit-elle, pendant qu'une pâleur extrême envahissait son visage. « Toujours, » répondit-il d'une voix grave. « Quand vous voudrez, je serai votre femme, » dit Rose d'une voix qui s'éteignait. Il la prit dans ses bras et la serra si fort qu'il lui fit mal, mais elle ne cria pas. « Chère âme, lui dit-il, que je t'ai aimé fort et longtemps. » Il se pencha sur elle, qui se laissa aller sans force, et baisa longuement, lentement, les cheveux et le front de Rose. « Quand vous voudrez, » dit-elle en se dégageant avec douceur. « Dans 12 jours, alors, à Chartres. Oh, Madeleine, dis-moi, est-ce vrai que tu m'aimes ?» Elle le regarda. Il était très beau, avec ses yeux pleins de flammes et son teint mat poli par l'émotion. « Oui, » dit-elle avec un grand élan, et lui rendit son baiser.